Va-t'en, va, sois heureux, je le veux, je t'en prie. Tes pleurs me font mourir, je crois que je t'aimais. Va-t'en, je suis jalouse, et je fus trop chérie pour oser te le dire et te revoir jamais. Déborde Valmore. 8. Eugène, disait Alphée, je vous en prie, un mot, une explication sur votre conduite. Elle est injuste à mon égard, je ne l'ai pas méritée. Assez, madame, assez. Vous avez troublé ma vie, que voulez-vous de plus? Troubler votre vie, Eugène? Mais c'est bien plutôt vous qui avez troublé la mienne. Ah, cessons cette conversation, madame, par pitié, et retournons au bal. Vous avez raison, monsieur. Pardonnez-moi si j'ai reparlé de notre amour passé, pardonnez-moi. Mais en vous revoyant, ce soir, tel que je vous avais vu jadis, en sentant votre main serrer la mienne, vos yeux chercher les miens, j'ai cru un instant, oui, j'ai cru que j'avais retrouvé Eugène, mon Eugène à moi. Alphée, Alphée, grâce! Tu m'aimes donc encore, dit la jeune veuve avec un cri de bonheur. Tu ne m'as donc pas tout à fait oublié? Ah, ne te rétracte pas, Eugène, ne te rétracte pas, je t'en supplie. Ne me repoussez pas, Eugène, ajoutait Alphée d'une voix suppliante. Écoutez-moi une heure seulement. Ce n'est pas trop une heure de votre vie pour celle à qui vous aviez promis votre vie entière. Dites, le voulez-vous, Eugène, pour que je puisse me justifier, regagner votre estime. Puis après, je m'éloignerai, je m'en irai loin, bien loin, et vous serez tout à une autre. Mon Dieu, vous ne pouvez me refuser cela. Eugène, il y a si longtemps que je ne vous ai vu, si longtemps que je n'ai entendu le son de votre voix, que je n'ai dit votre nom. Eugène, mais de quoi donc suis-je coupable, je vous le demande? Est-ce d'avoir résisté à l'amour d'un insensé? Et était-ce à vous à m'en punir? Hélas, vous partez, sans adieu, sans me revoir, sans m'écrire, rien, vous partez. D'après cela, je dois croire que je n'entendrai plus parler de vous. J'attends un an, deux ans, point de nouvelles. Alors, vivement pressée par ma mère, ma pauvre mère malade, que je perdis peu de temps après mon mariage, j'épousai M. de Maugis, le frère de Berthe. Puis, je devins veuve. Dernièrement, j'apprends par hasard que vous êtes encore libre, à Paris, de retour d'un long voyage. Berthe m'écrit ce qui se passe entre vous deux, votre union, presque exigée par un mourant, votre union sans amour, pas plus d'un côté que de l'autre. Alors, l'espoir renaît dans mon âme. Je vous écris, je vous supplie de différer. Je mets ordre à quelques affaires, je pars, j'arrive juste, juste le lendemain de vos noces. Dites, Eugène, lequel est coupable de nous deux? Dites, parlez. C'est moi, je suis un insensé qui s'est perdu, qui t'a perdu, qui est mille fois plus à plaindre que toi, car tu es libre au moins, toi. Tu peux m'aimer sans crime. Tu n'as personne au monde qui vienne te demander compte de tes soupirs, de tes regards, de tes pensées. Personne. Et moi, moi, malheureux. Mais dis-moi donc, Eugène, pourquoi tu me fuyais? Ta légèreté, cette mort horrible, tout cela m'avait exaspéré contre les femmes, contre toi. Et tout d'abord, je jurais de renoncer à ton sexe. Plus tard, mon faible cœur t'excusa. Alors, tu étais mariée. Mais depuis, j'ignorais ton veuvage. Mon oncle meurt, tu sais le reste. Et comment je fus poussée par la noble conduite de Berthe à l'épouser. D'ailleurs, dégoûtée que j'étais de la vie, mort pour ainsi dire à toute sensation, qu'importait à mon destin un peu plus, un peu moins de malheur. Obligée par ce testament à prendre une femme, qu'importait Berthe ou une autre? Je n'ai pas fait mon sort. J'y ai cédé. Mais peut-être vous l'aimez. Oh, tu ne le penses pas. Bien plus, c'est de l'antipathie que je ressens pour elle. 20 fois le jour, je veux forcer mes traits à lui sourire. Je veux forcer mon cœur, tout moi, à lui prouver un peu d'attachement, la moindre amitié. Je ne peux. Mon être se soulève à son approche. Et pourtant je m'en veux, car elle est bonne, elle est douce, elle a 1000 qualités. Nous ne sommes pas seuls, sortons, dit Alphée, qui venait d'entendre dans la loge voisine un bruit assez léger. C'était comme un sanglot comprimé, comme un cri étouffé, comme un gémissement, et, entraînant Eugène, ils revinrent dans la salle du bal. Ils cherchèrent Berthe à l'endroit où ils l'avaient laissée, ne la retrouvant pas, ils quittèrent le bal et rentrèrent chez eux. « Madame est couchée, » dit la femme de chambre à Eugène. « Elle est très fatiguée, elle prie monsieur de ne pas la réveiller. » Eugène se retira dans son appartement sans lui répondre. Il était trop plein d'Alphée, trop ému de ses dernières paroles, pour accorder une pensée à tout ce qui n'était pas elle.